50 000 francs, murmura la Carconte, restée seule. C'est de l'argent, mais ce n'est pas une fortune. Fin du chapitre 27.